Formidable, cette dinde. Elle a bon goût et sa chair est tendre. Peter ? Oui ? Je ne t'ai pas invité au restaurant pour te parler de dinde. Je ne comprends pas, Jack. De quoi veux-tu me parler ? L'entreprise, Peter. L'entreprise ? Il paraît qu'elle va mal, Peter. Rentre-toi ça dans le crâne, Jack. L'entreprise va très très bien. Mais qu'est-ce que c'est que ces papiers que j'ai dans les mains ? Regarde ces comptes ! L'entreprise n'a jamais été aussi bien, Jack. Ces papiers sont le produit de l'entreprise. L'entreprise produit du papier, Jack. Du papier ? Oui, des feuilles de compte, Jack. Mais comment as-tu pu me cacher ça si longtemps ? Le papier, on peut le glisser dans des livres. Et à ce moment-là, il est caché, Jack. Tu vois, c'est facile. Peter, est-ce que tu peux me regarder dans les yeux et me dire que l'entreprise va bien ? L'entreprise va bien, Jack. Les papiers étaient dans la bibliothèque, cachés dans l'annuaire, entre la page 950 et 951. Tu ferais peut-être mieux de te soucier de ta femme, Jack. Cindy ? Oui. C'est elle qui m'a donné ces faux rapports. Et tu feras aussi peut-être bien de te soucier du jambon. Où est le jambon, Jack ? Ne sois pas si mystérieux. As-tu cherché récemment un numéro de téléphone entre la page 958 et 959 de l'annuaire ? Embrasse ta dinde, Peter. Car qui embrasse sa dinde ?